Oui, j'ai le thermomètre aussi. 36,3. Ah bah, c'est ma température corporelle. Tout c'est pour voir, parce que ça m'inquiète quand même. Alors, au niveau de la situation météo, qu'est-ce qu'on a en magasin? Malheureusement, on sera loin des 36,3 degrés, puisque ce sera trop frais aujourd'hui pour la saison. De 15 à 20 degrés sur la Belgique. Et encore, les 20 degrés, ce sera uniquement pour la Campine. Ailleurs, on aura 15 à 16 degrés sur les hauteurs, 17 à la mer, 18 à 19 degrés en général sur les autres régions. On a essuyé quelques averses orageuses en fin de nuit sur le nord du pays. À l'arrière, une accalmie pour ce matin avant la reprise des averses pour cet après-midi. Elles seront surtout actives sur le nord et l'est du pays. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, le jeune Verviétois incitant au meurtre de chrétiens a été identifié. Le secrétaire d'État à l'asile et la migration l'a confirmé. C'est le fils d'un imam radical de 10 ans sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Un arrêté royal estimant que telle personne doit être expulsée du territoire belge parce qu'elle constitue un danger pour la sécurité publique. Et puis, un an après, cette personne est toujours sur le territoire belge. On entendra l'inquiétude du bourgmestre de Dizon. Les formations et entraînements des policiers s'adaptent au contexte de menaces. On le verra à l'académie de police de Jurbise. Le guide Michelin remporte son bras de fer avec la commune de Braine-l'Alleud. Il pouvait bien parler de but de Waterloo dans son livre, même si celle-ci est située à Braine-l'Alleud. Donald Trump serait le président le plus dangereux de l'histoire américaine et ce sont des experts du camp républicain qui l'affirment dans une lettre cinglante. Et de deux, la Belgique a décroché sa deuxième médaille aux Jeux Olympiques, le bronze pour Dirk Van Tickelt en judo. Récit de l'exploit avec notre envoyé spécial à Rio. Petit tour enfin dans l'univers d'Harry Potter. L'expo consacrée au célèbre sorcier Oezel bat son plein et la sortie du dernier livre de la saga n'y est pas étrangère. Et on en sait donc plus sur l'identité du chanteur de Verviers. Ce jeune musulman de 17 ans appelant au meurtre de chrétiens dans une vidéo diffusée hier sur Internet, il y chante une prière aux paroles violentes et sanglantes dans les rues de Verviers. Le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Théo Frankel, l'a confirmé. Il s'agirait du fils de l'imam de Dizon, Chahi Alami, un imam considéré comme un prêcheur de haine et censé être expulsé, Barbara Chal. Chahi Alami a effectivement fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. C'était il y a un an. Une procédure qui n'a toujours pas abouti, puisque l'imam a décidé de faire appel. Pour l'instant, lui et sa famille résident donc toujours sur le territoire belge, à Dizon. Théo Franken, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, n'hésite pas à décrire Chahi Alami comme un salafiste, radical et dangereux. C'est clair qu'il a indoctriné pas seulement les combattants syriens, il a aussi indoctriné ses enfants. Et je comprends l'inquiétude des inhabitants, je comprends aussi le fait que le bourgmestre est fâché. Fâché, Yvan Ilieff, le bourgmestre de Dizon, l'est effectivement. Régulièrement, il a tiré la sonnette d'alarme et vraiment, il ne comprend toujours pas pourquoi les choses avancent si lentement. Pour lui, il y a urgence car il y a danger. Telle personne doit être expulsée du territoire belge parce qu'elle constitue un danger pour la sécurité publique. Et puis un an après, cette personne est toujours sur le territoire belge. Alors, quid ? Elle représente un danger ou pas ? Le fils de Chahi Alami, que l'on aperçoit sur cette vidéo, est mineur. Il aura 18 ans à l'automne, indique Théo Franken. Son cas relève en théorie du tribunal de la jeunesse, mais il pourrait aussi être considéré comme un adulte. Il risque alors 3 ans de prison maximum pour provocation à commettre des crimes. Notez que le parquet n'a pas confirmé cette identification. La famille se trouve, semble-t-il, pour l'instant à l'étranger. Le roi Philippe se rendra à Charleroi aujourd'hui, au chevet des deux policières blessées à la machette samedi dernier. Il ira aussi à l'hôtel de police, le lieu de l'agression, pour rencontrer les policiers en service ce jour-là. À Bruxelles, le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, réunit lui l'OCAM, le centre de crise et les polices fédérales et locales. Objectif, discuter des mesures de sécurité suite à cette attaque. Oui, et puis face à cette menace, les formations des policiers s'adaptent dans les académies de police. L'agression de ce week-end l'a démontré, nos policiers sont décidés cible prioritaire pour les terroristes. Alors comment se préparer à cela ? À l'Académie de police de Jurbise dans le Hainaut, les aspirants policiers sont formés aux techniques de maîtrise de la violence. Un entraînement qui va être renforcé. Thierry Van Gulik s'est rendu sur place. Dès le hall d'entrée de l'Académie, la tension est perceptible parmi le personnel. L'attentat de Charleroi est dans tous les esprits et en tout cas dans celui de ce coordinateur de la section maîtrise de la violence. On n'est pas vraiment préparé à cela. Donc ce sont des faits nouveaux, même si On a les faits qui se sont déjà passés sur Paris ou sa banlieue. Maintenant, c'est chez nous, c'est à côté de nos portes, c'est clair que ça marque. Depuis 2011, les cours des aspirants comprennent l'apprentissage des techniques de réponse aux attentats. La formation existe donc, mais l'entraînement des futurs policiers sera encore renforcé. Et sur le terrain, le comportement des policiers va aussi changer. Il est clair que en fonction de l'attitude de l'opposant, eh bien, on va peut-être pouvoir dialoguer ou pas. Beaucoup plus de vigilance, encore une fois, être méfiant par rapport à des situations qui auparavant n'étaient peut-être pas nécessairement inquiétantes, mais donc vont pousser peut-être un peu le contrôle de manière plus approfondie pour assurer leur propre sécurité dans un premier temps, oui. La police est plus que jamais en première ligne, elle en est bien consciente et s'y prépare techniquement. Mais comme le dit ce formateur, contre une attaque surprise, on n'est jamais vraiment prêt. Il est 8h06, c'est un coup dur pour la commune de Braine-l'Alleud et son bourgmestre. La justice vient de les débouter dans un conflit qui les opposait depuis des mois aux éditions Michelin. Objet du litige, le guide consacré à la route Napoléon. La commune se plaignait de ne pas être citée et regrettait de voir Waterloo se tailler toute la part du lion. Derrière ce conflit de mots, un enjeu touristique et donc économique évidemment, les explications de Jean-Claude Hénuit. Printemps 2014, un an avant le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Michelin présente la route Napoléon en Wallonie et très vite, le bourgmestre de Braine-l'Alleud parle d'erreur. Parler de la butte de Waterloo alors que la butte du Lion est sur le territoire de Braine-l'Alleud nuit au tourisme et à l'économie brennoise, affirme Vincent Scourneau. Nous avons simplement demandé au guide Michelin de vouloir corriger les annotations qui étaient fausses dans le livre. Et évidemment, le guide a refusé. C'est la raison pour laquelle nous avons été en justice pour demander des corrections. La publication est suspendue pendant la procédure en justice, mais récemment, Michelin et l'historien Philippe Raxon obtiennent gain de cause en première instance. La commune de Braine-l'Alleud est sanctionnée sur deux points. Le premier, c'est la question d'un procès qui est téméraire et vexatoire à l'égard de Michelin, mais aussi de moi-même comme co-auteur. Et d'autre part, la commune est condamnée pour avoir encombré en quelque sorte le rôle du tribunal et excédé les limites de la possibilité d'agir en justice. Bien que surpris, Vincent Scourneau n'enterre pas l'âge de guerre. Nous avons reçu ces derniers jours d'ailleurs une note technique de nos avocats nous invitant à relever appel de cette décision qui semble fort faible dans sa motivation. La bataille de Braine-l'Alleud n'est donc pas finie. Et cette question à présent, y a-t-il une saison plus pénible pour les sans-abri ou est-il plus difficile de vivre en rue en été plutôt qu'en hiver ? Eh bien, le collectif bruxellois Les Morts de la Rue a dénombré 55 décès de sans-abri en 2015 et autant de décès en été qu'en hiver. De nombreuses associations se plaignent. En été, il y a vraiment trop peu de places dans les centres d'hébergement d'urgence. Marie Mikkels a interviewé Stéphane Heymans, le directeur des opérations de Médecins du Monde Belgique. C'est sûr qu'en hiver, on est plus malade, il y a plus de refroidissement, il y a la grippe, etc. etc. En été, il y a d'autres types de pathologies qui peuvent être soit dues à la chaleur, soit à l'insolation et autres. Et aussi, vu le manque d'hébergement d'urgence, bah, quelque part, il y a des pathologies qui se complexifient un peu plus. Des soins de plaies qui s'infectent, etc. etc. Ce qu'on retrouve moins en hiver, puisque c'est l'avantage de cet hébergement d'urgence, bah, ça permet quand même une stabilisation des gens pendant un certain temps. Est-ce que Médecins du Monde réclame l'ouverture de centres d'urgence comme ça en été ? Non, nous, ce qu'on réclame surtout, c'est qu'il y ait de la continuité dans les dispositifs. Aujourd'hui, il y a cette grosse discontinuité et il n'y a pas non plus assez de solutions structurelles. Il faut clairement jouer sur l'urgence avec des hébergements d'urgence et sur des solutions structurelles et très très bien les accorder l'un avec l'autre. Donald Trump serait le président le plus dangereux de l'histoire américaine. Cette phrase cinglante, elle vient du camp républicain lui-même. 50 experts de la sécurité nationale ont écrit une lettre pour dire tout le mal qu'ils pensent du milliardaire candidat à l'élection présidentielle. Aline Wavrey, une lettre qui fait du bruit, hein, car ce sont de grosses pointures. Mais oui, impossible de tous les citer, mais jugez plutôt avec ces quelques noms. Michael Hayden, ancien directeur de la CIA sous George Bush. John Negroponte, ancien directeur du renseignement national et numéro 2 du département d'État aussi sous George Bush, ou encore Robert Zelick, ancien haut diplomate américain et président de la Banque mondiale. Bref, des voix qui comptent et qui n'y vont pas par quatre chemins. aucun d'entre nous ne votera pour Donald Trump. Et quelles sont donc leurs raisons, Aline ? Mais selon ces spécialistes de la sécurité, le candidat n'est pas qualifié pour le poste de président et donc de commandant en chef. Il manque d'expérience, je cite, c'est un ignorant. Il manque aussi de valeurs, il est incapable d'accepter les critiques. Donald Trump président serait tout simplement dangereux pour le pays, d'autant plus qu'il aurait la responsabilité de l'arsenal nucléaire américain. Un portrait au vitriol qui tombe au plus mal pour Donald Trump. Le milliardaire espérait faire oublier les dernières polémiques et rebondir dans les sondages en présentant son programme économique la nuit dernière à Détroit. Et c'est plutôt raté. Les précisions d'Aline Wavreille, merci. Au Mexique, 600 sauveteurs cherchent encore des survivants après les importants glissements de terrain. Des glissements qui ont enseveli routes et maisons après le passage de la tempête tropicale Earl. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Le dernier bilan parle d'au moins 45 morts. Et puis en Syrie, une bataille décisive s'annonce à Alep. Bataille pour le contrôle de la deuxième ville du pays. D'un côté, le régime syrien. De l'autre, les rebelles. Les deux camps ont envoyé des milliers d'hommes en renfort. L'issue de ce combat pourrait constituer un tournant dans cette guerre qui fait rage dans le pays depuis 2011. 8h11, c'est le 8-9 Sport, direction Rio, avec cette nouvelle médaille dans le clan belge. Une médaille de bronze pour Dirk van Tickelt en judo dans la catégorie moins de 73 kilos. Le judoka s'est imposé face au Hongrois Miklós Ungvári sur Ipon. Le récit d'un exploit avec notre envoyé spécial à Rio, Eric Libois. La Carioca Arena de Rio a découvert le rock limbourgeois. Il aurait, dit-on, le biceps le plus gros de sa catégorie. 38 cm de tour, Dirk van Tichelt a attendu 32 ans pour se faire un nom. Une carrière tracée dans le labeur, la souffrance, les blessures, mais aussi l'amour. Pour moi, c'est le plus joli sport conditionnel. La force, techniquement, tactiquement, c'est vraiment un complet sport. Et le respect, ça c'est le magnifique de la judo. Avant ses combats, il ne veut jamais connaître ses tirages. Confiance au feeling, Eddie de Smet, chef de la délégation belge. Ça fait quand même des années qu'il court après. Il n'a pas toujours eu facile non plus. À un moment, il a été critiqué parce qu'il était un peu en dehors du tatami, du tapis. Il aime rigoler pour amuser les autres. C'est un élément qui parfois a joué contre lui, je crois, parce qu'on lui a dit est-ce qu'il est assez dur pour soi-même et tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, la preuve est là. Car derrière la montagne de muscles se cache un joyeux dri. Exemple lors de l'arrivée au village olympique, Eddie de Smet. Quand on me dit le nom de chambre de laquelle ils veulent partager la chambre ou avec laquelle ils peuvent pas, le premier document, je crois qu'il m'a introduit, c'était Claudia Schiffer. Vous n'avez pas réussi. Je n'ai pas essayé, mais je n'aurais pas réussi non plus, je crois. Il dédie sa médaille à sa compagne enceinte et restée en Belgique par peur du virus Zika, en restant fidèle à sa philosophie. Premier, tu dois rester et après, c'est relax. Et comment vous faites la fête en général ? Pas de règles, vas-y. Amusez. Samba, caipirinha. Caipirinha, bien sûr. On va voir ce soir. Quelle limite ? Et on suivra une autre chance de médaille en judo aujourd'hui pour Joachim Botio en moins de 81 kilos. Au JO toujours, Louise Cronon s'est qualifiée pour la finale du 200 mètres papillon. Le Belge nagera la nuit prochaine. La finale aux côtés notamment de Michael Phelps. Aujourd'hui, Peter Stimmers s'alignera sur le 100 mètres nage libre. Il tentera de se qualifier pour la finale de l'épreuve reine prévue mercredi soir. En tennis, Kirsten Flipken s'est qualifiée pour le troisième tour suite à l'abandon de la Tchèque Safarova. En huitième de finale, Flipken sera opposée à l'Allemande Laura Siegmund, 32e joueuse mondiale. De son côté, David Goffin affrontera l'Israélien Dudi Sela au deuxième tour cet après-midi et il s'en réjouit, écoutez. Je le connais très bien, c'est un petit gabarit, donc il y aura pas mal d'échanges. Et c'est bien, ce sera un autre joueur par rapport à mon premier tour, ce sera complètement différent. Mais voilà, il y aura du rythme, il y aura des échanges et c'est bien, ça va me mettre bien en jambes. J'espère que je vais frapper beaucoup de balles et je ferai un bon match. Une interview de David Bertrand, toujours à Rio, en voile. Evie Vanacker est quatrième après la première journée de compétition hier. Au programme ce mardi, deux nouvelles régates. La finale est-elle prévue lundi prochain ? Encore un mot de football pour vous dire que le français Paul Pogba quitte la Juventus. Il revient à Manchester United et devient le joueur le plus cher de l'histoire avec un coût de transfert de plus de 120 millions d'euros. Côté belge enfin, l'attaquant Laurent de Poitres quitte Gand, direction Porto pour 4 ans. Et puis nous allons à l'expo Harry Potter qui bat son plein au Ezel. Oui, en un peu plus d'un mois, 100 000 personnes ont visité cette exposition. Après la sortie d'un 8e livre sous forme de pièce de théâtre la semaine dernière, l'intérêt pour le sorcier n'en finit pas, Yasmina Favaro. Dès l'entrée, la magie. Avec la musique emblématique de Harry Potter en fond sonore, les moindres détails plongent les fans au cœur des films. Les amateurs du sorcier sont nombreux et ils semblent conquis par l'exposition. Très belle exposition Harry Potter, en tout cas les décors sont magnifiques, ça respecte vraiment les films. J'ai l'impression de vivre ce qu'il vit aussi et ça me fait plaisir. On se rend pas compte dans les films, tous les petits détails, tous les petits objets qu'il y a, et enfin ici on les voit vraiment de près, on peut quasiment toucher les vêtements et tout. Et donc ça permet de vraiment se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que finalement, c'est vraiment un monde à part. Bruxelles est la 11e ville à accueillir l'exposition. Un événement qui a déjà séduit plus de 3,5 millions de visiteurs dans le monde. Et chez nous aussi, c'est un succès. Peter Monbailleux, porte-parole de l'exposition. On a eu beaucoup de visiteurs, en tout cas. On a dépassé les 100 000 déjà. Il y a beaucoup de jours où tout est vendu. En même temps, il y a des jours où il y a de la place. Donc, tout le monde qui veut venir peut vraiment venir. Le lancement du livre a bien sûr un effet, parce que les différents magasins de livres, ils montrent l'intérêt aussi à l'exposition. Une exposition à découvrir jusqu'au 11 septembre. Pas encore de décision prise, mais vu l'affluence, il pourrait y avoir des prolongations. Yasmina Favaro avec notre stagiaire Maureen. Eh ben non, je n'ai pas encore été à l'exposition Harry Potter et je suis un mauvais Belge, je Bravo, sais. Bravo, monsieur. Ah ben je sais. Jolie Vanage, vous avez déjà été? Oh, je suis une mauvaise Belge, je suis désolée, je ne suis pas allée. Ben ça fait deux mauvais Belges, Pierre Joie. J'ai envoyé mes enfants. Ça fait un demi... en délégation. Un demi bon. Un demi mauvais Belge. Et on dit bof-bof. Hein. Ouais, Julie Compagnon. Mais qui est monsieur Potter? C'est le mec qui fait du ballet aérien, vous voyez? Ah, oui, du ouais. Quidditch. Voilà, j'en conclue que vous n'avez pas été non plus. Donc, que des mauvais Belges et un demi qui envoie les enfants. 8h16, voici à nouveau 8-9. RTBF Mobile Info, Stéphane. On vient d'apprendre une remorque sur le flanc entre Namur et Bruxelles à Louvrange. Elle est en voie du milieu. C'est compliqué de rejoindre Anvers depuis le 313 à partir de Liège, une vingtaine de minutes supplémentaires. Prenons la direction de l'autoroute de la mer, l'autoroute E40 qui relie Bruxelles à Ostende où ça ralentit suite à un chantier entre Herpemer et Wetteren. Et pour rejoindre le littoral, c'est 35 minutes supplémentaires qu'il faut ajouter une demi-heure dans l'autre sens car il y a un accident qui s'est produit dans le sens Ostende-Bruxelles, donc à Wetteren. Et également des problèmes du côté de Westrem-Saint-Denis où un véhicule était en feu qui perturbe la circulation. Donc le 40 Bruxelles-Ostende, c'est assez compliqué actuellement. Sur le ring entre Bercelles et Forêt en circulation intérieure, c'est le chantier où la circulation s'effectue sur deux voies rétrécies qui vous ralentit 17 minutes supplémentaires. On ajoute une dizaine de minutes entre Grand Bigard et Zaventem. Encore une zone de travaux qui ralentit bon nombre d'automobilistes ce matin pour rejoindre Anvers depuis l'échangeur de Macquelen via le 19. 15 minutes supplémentaires pour rejoindre Anvers. Et pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers, ajoutez 13 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Donc, dans un instant, monsieur Pierre Potter, vous nous emmènerez où? Pas de vanne pourrie aujourd'hui. Non, c'est le Spin Cable Park. C'est dans le sud de la Botte du Hainaut. C'est les lacs de l'odeur. Mais ça a l'air excitant. Il n'y a pas de vanne, mais c'est excitant. C'est juste après la pub. Vivacité présente la Nuit des Étoiles à l'Eurospace Center ce 11 août. Retrouvez Cyril sur place dès 17h pour le 5 à 7. Venez observer le soleil, vous initier à l'astronomie et restez jusqu'au soir pour vivre la magie des étoiles filantes nombreuses à cette date. Ce 11 août, tous à l'Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24 pour la Nuit des Étoiles. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Événement gratuit. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Salut, c'est Anouar. Je suis très heureux de revenir cet été sur le Beau Vélo de Ravel. Je vous attends en pleine forme ce samedi 13 août à Namur pour partager un bon moment tous ensemble. Luigi Scott et Tima se joindront à la fête. À samedi. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 13 août à Namur. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Le 8-9. C'est encore l'été, voilà pourquoi Julie Compagnon, vous nous amènerez tout à l'heure un tube de l'été. Un tube qui fait danser le monde depuis 1975, il a été revisité et revisité, c'est ces soirées-là de Yannick. Ah oui, le truc qui fait un. Et donc qui est une reprise de... Claude-François. Claude-François, bien évidemment. Mais Claude-François, la reprise de... Des Four Seasons. Voilà. Et les Four Seasons l'avaient pompé à... Voilà. Je sais pas. Imagination, peut-être. Mais je sais pas qui est avant. Il y a Mozart et Tchaïkovski, à mon avis, qui sont juste avant. Les People sont en vacances. Oui, une triste nouvelle pour Loana. Par contre, on va bien rigoler avec Katy Perry, vous allez voir. Donc, un qui rit, un qui pleure. Exact. La Grande Évasion, c'est à 9h. Dans l'immédiat, Évasion Express. Pierre, vous nous emmenez donc au barrage de l'odeur. Oui, le lac de Ferronval, le Spin Cable Park. Alors, vous n'avez pas de hors-bord parce que vous n'avez pas les moyens de vous en payer. Hein. Je vous confirme. Hein, donc, vous n'allez pas vous faire tracter par le hors-bord sur le lac pour faire du ski nautique ou des sports nautiques, des sports de glisse. Ben, allez au Spin Cable Park parce que là, il y a justement tout un système. C'est un peu comme un tire-fesse. Hein, donc, on vous installe sur le tire-fesse et vous choisissez le sport que vous voulez faire. Il y a du wakeboard, c'est un peu du snowboard, mais sur l'eau. Mmh. Il y a du ski nautique classique. Pour les deux skis, ouais. Il y a du wake skate qui est comme du skateboard. C'est un peu, la planche est un peu plus étroite. Hein, ouais. Voilà. Et il y a aussi du kneeboard. Là, on est à genoux. Mais c'est pas pour vous aujourd'hui parce que vous avez mal. Oui, je boite un peu. Mais c'est plus facile aussi d'être à genoux parce que l'équilibre, le centre de gravité est beaucoup plus bas. Mais il y a des gens qui mesurent 2 mètres ici dont le centre de gravité est mal placé. Plus vous êtes petit, non mais c'est vrai, plus vous êtes petit. Mais non, plus vous êtes petit, plus vous tenez. C'est vrai. C'est pour ça que les enfants au ski, quand ils tombent, ils sont pas mal. Ils sont, voilà. Voilà. Et pour ça que les grands, ils prennent congé maladie pendant 3 mois. Soit, il y a 5 poulies sur le grand parcours, 620 mètres de parcours avec des obstacles et tout et tout. En juillet, en août, ça ouvre à partir de 13h jusqu'au coucher du soleil. Le week-end, c'est à partir de 11h. Alors, il y a quelques questions aussi. Est-ce qu'il faut réserver ? Non. Bien. Est-ce que les intempéries peuvent stopper l'activité ? Non, s'il pleut, oui, s'il gèle, parce que c'est moins facile. Ou s'il y a de l'orage, parce que c'est quand même dangereux. C'est quand même des câbles électriques, hein, faut faire attention. Beaucoup de si. Ok ? Et alors aussi, on dit, est-ce qu'il faut du matériel spécifique ? La réponse est non. Vous venez avec votre maillot de bain, votre serviette de bain, votre gel douche, et sinon, le reste est fourni sur place. Oui, ouais, c'est gel douche, c'est bien, après avoir passé un petit peu de temps. Vous savez, quoi. Oui, encore que le lac de l'Odeur, c'est pas le plus sale du monde. Enfin, c'est un lac... Non, c'est propre. Oh. Ouais. C'est le lac de Ferronval, donc c'est à Froidchapelle pour l'adresse. Mm-hmm. Et toutes les infos également sur le site 365.be. Et des places à gagner cet après-midi avec Marc Vernon à partir de 15h. Et donc, s'il faut choisir Catherine Tonnerrand entre le... Comment, rappelez-moi les catégories. Donc, il y a le ski nautique classique à deux skis. Alors, il y a le wakeboard, le ski nautique, le wake skate, j'ai du mal à le dire celui-là, et le kneeboard. Vous prendriez lequel ? Le wake skate. Oui, c'est le skateboard, voilà, mais sur l'eau. Mais le ski nautique, j'ai tenté une fois, j'ai jamais su me lever, donc je ne garantis pas que... C'est comme dans les bronzés, vous rappelez dans les bronzés, la scène où le type essaye à chaque fois de démarrer et qui se gamelle dans l'eau, non ? Là, je me souviens de vidéo gag le dimanche après-midi sur TF1, oui, où oui, c'est ça. Par milliers. Lequel vous prenez, Julie Vanache ? Oh, je serais bien le kneeboard. Le kneeboard ? Oui, sur les genoux, oui. Et Julie Compagnon ? Moi, tout, un florilège, je prends l'abonnement full. Ok, donc elle reste à la cafette, autrement dit, elle regarde les autres. Exactement. Et si on a des gros pieds, on ne prend rien, quoi. Donc, Alors je peux y aller à main nue. À main nue. Eh ben, rendez-vous samedi à 9h du matin, nous serons là. Dans l'immédiat, Best of Cactus, nous étions le 13 avril et les djihadistes avaient été aperçus à Uccle. Jérôme, vous revenez sur l'arrestation de présumés djihadistes à Uccle et nous avons un invité, un riverain désireux d'apporter son témoignage. Mais bonjour monsieur Maréchal, je me présente, Gonzague d'Uccle. Je me permets d'être intrusif sur votre antenne pour témoigner de ce qui s'est passé hier, quasi en face de chez moi, où l'on a interpellé des djihadistes rue de Stal. Mais rendez, cela s'est passé près de chez nous, monsieur Maréchal, à 2 pas du Diuec et de l'avenue Xavier de Bu, où cette pétasse de Tiffaine, c'est mon ex, travaille comme vendeuse 3/4 temps chez Olivier Estrelli, quoi. Monsieur Maréchal, j'ai peur. J'ai peur que ma commune ne soit rebaptisée Uccle-Bec. Des djihadistes à Uccle, quoi. Mais c'était insupportable. Vous imaginez le cauchemar pour les habitants de la commune. L'immobilier pourrait chuter, quoi. La chaîne. Uccle, cette terre d'hospitalité qui a accueilli et qui accueille encore des dizaines de réfugiés depuis des années. Bernard Arnault, Arthur, enfin des gens qui dans leur pays natal étaient exploités, spoliés. L'ISF, monsieur Maréchal, impose la fortune des dizaines de familles décimées par l'ISF. Là, déjà, l'ISF, le MRAX, les gauchos, les enfoirés n'en ont rien à foutre d'eux, monsieur Maréchal. Et le monde se tait. Avez-vous eu vent d'une manifestation nationale où tout le monde était riche, hein? Et l'on vient nous parler d'égalité. Et en plus de cette barbarie fiscale, des terroristes arpentent nos rues. Écoutez, c'est insensé. Ça s'est passé quasi dans mon immeuble. Je vous narre l'affaire. Je sais que pour témoigner, c'est plutôt de 9h à 11h sur votre antenne. Oui, bah. Mais là, c'est impossible de s'exprimer. Il y a un type qui coupe la parole tout le temps aux gens. C'est insupportable. Enfin, jamais bon. Entendu. Bref, hier, je descends à la boîte aux lettres. Le 12 du mois, il y a déjà bien 60 à 70 loyers qui sont tombés. Hein. Et je tombe nez à nez avec un pachtoun ou je ne sais quoi qui sortait de l'immeuble. Babouche, poncho du riff, essuie-vaisselle sur la tête. Oh enfin, là là là. Je m'adresse à lui poliment. Excusez-moi, mais vous venez pour les communs. Il m'a regardé, mais de l'air d'un type qui n'allait jamais payer son direct dans le 92, le Fort Jacob. Il est sorti pour s'engouffrer dans une voiture. Et là, mais Fast and Furious, Hugues le police, quoi. Ils sont arrivés à 50 menottes taser. Ils ont côtoyé, hein, embarqué Ben Laden en 30 secondes. Mais c'est... je suis resté stoïque. Hein. J'avais déjà un jour vu un danger similaire. Je m'étais perdu du côté de Molenbeek avec la Pajero. Moi, à Molenbeek, quoi. Mais c'est rendez-vous en terrain inconnu sans les caméras, quoi. Ça arrive à Anne-Charlotte. C'est une autre de mes ex, mais elle pisse dans sa culotte en appelant le 101, quoi. Je veux dire, bon, paumé dans le souk, là, je vois un panneau étant noir. Étant noir, t'as déjà tout de suite envie d'aller te baigner. J'alpague un flic, mais un flic de Molenbeek, hein. Bonjour, commandant Massoute. Dis-moi un peu, Tiche, comment rejoint-on le ring pour rejoindre la civilisation, Vérucle? Il y a des postes frontières à passer ici ou quoi? Et alors, j'ai une fringale, y a-t-il un délit traiteur dans les environs? Parce que moi, si je n'ai pas mon poulet tic-a-tic-a à 26,50€ la demi-barquette une fois par semaine, mais je m'anémie. Mais tu sais ce qui me répond? Il me dit non, il y a un Aldi derrière le coin. Un Aldi? Mais moi, dans un Aldi, les petits riens à l'alimentation. Il faut être fou pour se nourrir, là, c'est hors de question. En plus, j'ai pas fait un rappel de tétanos depuis mes rénovés. Enfin bon, tout ça pour dire que ça va s'arrêter quand, quoi? Molenbeek, forêt, bon, le centre, allez, on a perdu, mais tu vas voir qu'on va trouver des cellules de salafistes à l'âne. Des ateliers de confection de ceintures d'explosifs, pépé et jeans, ça knoque le zout, avec tout fout le camp. En plus, papa est parti au Panama. Il y a quelques jours, je sais pas ce qu'il fiche, quoi. Il est parti avec un ami avocat de la commune, Armand. Il m'a demandé de lui envoyer d'urgence une 60aine de valises. Je ne comprends pas. Bon, allez, je vous laisse, je vais sauver ce qui peut encore l'être. Je crois que j'ai encore 6-7 millions sur un compte vert chez Dexia. La gêne, monsieur Maréchal, la gêne! Ben, en toute logique, à la fin des vacances, plus personne n'aura 6-7 millions sur son compte, ça va sans dire. Car l'été, vous n'avez jamais remarqué qu'être en congé coûte plus cher, Pierre, que travailler? C'est normal, on dépense pendant la journée. Quand on travaille, on ne dépense rien. Ouais. D'où l'intérêt. Parce qu'on s'ennuie, on est bien obligé de dépenser. D'où l'intérêt de bosser, ça continue dans une seconde. Le 8-9 revient dans un instant sur Vivacité et sur la Une. La 2, en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag, dès samedi 14h sur la 2. C'est l'été, et qui dit été dit... Hé Phil, ça roule, dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil, il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot, c'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train... Vivacité présente La Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Ce vendredi, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter ETIAS survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous partez à la mer en direction du Luxembourg ou de la France, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter ETIAS et RTBF Mobile Info vous guident sur la route des vacances. ETIAS est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Bienvenue à la version upgradée du camping des Romarins. Ah. Votre caravane de 300 mètres carrés vous attend, jacuzzi, salle de cinéma, cuisinier privé, pas de voisins, moins de 100 mètres. Oh, super, et pour la pétanque? Pas de summer break sans pétanque, madame. Voici vos boules, en or massif. Des boules en or? Oh, j'adore! Pourquoi ne pas aussi upgrader votre vie? Par exemple avec un break Mercedes classé de chez Mieri New Car. Il y en a déjà un au prix chantant de 17 999 euros sur nnc.be. Mieri New Car. By Mercedes-Benz. Et vous nous rappelez, Catherine, l'actualité de ce mardi. Et la Belgique qui a décroché sa deuxième médaille cette nuit à Rio, la médaille de bronze pour Dirk van Tickelt en judo dans la catégorie moins de 73 kilos. Le jeune Verviétois incitant au meurtre de chrétiens dans une vidéo a été identifié. Confirmation du secrétaire d'État à l'asile et la migration. Il a 17 ans et est le fils d'un imam radical de Dizon sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Donald Trump serait le président le plus dangereux de l'histoire américaine. 50 experts de la Sécurité nationale ont écrit une lettre cinglante dans laquelle ils dénoncent l'ignorance et l'incompétence, je cite, du candidat républicain à la Maison-Blanche. Ah, ce matin, déjà des averses orageuses, déjà. Et puis après une période plus sèche, arrivera avec de belles périodes ensoleillées. Mais le risque d'averses devrait quand même réaugmenter cet après-midi. Bref, ça s'en va et ça revient. 20 degrés de maxima. Il est 8h30. Bonjour Anne Poncelet. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On vous le disait, le jeune homme qui appelait dans une vidéo au meurtre de chrétiens a été identifié. C'est le fils de cet imam radical dizonnais qui est depuis un an sous le coup d'un arrêté d'expulsion. L'adolescent n'est pas aujourd'hui dans les mains de la justice. La famille se trouve, semble-t-il, pour l'instant à l'étranger. Une nouvelle vie pour la ferme Château de Bois et Borsu à Claviers. Un projet de logement avait précédemment échoué. L'homme d'affaires liégeois Laurent Minguet est à présent à la barre. Objectif, créer des appartements dans la ferme en carré et des maisons sur les 2 hectares qui l'entourent. Les premiers travaux sont espérés en octobre. Il faut faire vite, en tout cas, car le permis expire fin d'année. Premier chantier, la rénovation de la toiture et du clocheton de la tour. Martial Giraud. L'imposante ferme château de Bois et Borsu a été aménagée autour d'une tour forte datant probablement des XIIIe et XIVe siècles et surmontée d'un clocheton. Le tout est situé sur le point culminant de la commune de Claviers. De quoi constituer un immanquable point de repère en bordure de la route Liège-Marche. Philippe Dubois, bourgmestre de Claviers. Cette ferme était exploitée par la famille Legros qui jusque dans les années 90 prenait un soin particulier à entretenir le bâtiment. Pour des raisons de santé, M. Legros a dû remettre son exploitation et donc depuis le bâtiment était plus ou moins laissé à l'abandon. C'est le point d'entrée de la commune de Claviers, de la province de Liège en venant du sud. On a tous à Claviers très à cœur de voir ce bâtiment-là restauré et reprendre une certaine vie. En répondant à une demande immobilière indéniable dans la région, Laurent Minguet, le promoteur. La ferme va contenir 23 appartements de taille modeste pour permettre à des gens seuls ou en couple d'avoir un logement à la campagne avec un petit budget. À l'extérieur, 15 maisons unifamiliales en pierre du pays avec un budget plus important, mais aussi pour une famille plus nombreuse. Une très basse énergie, hein. Aujourd'hui, de toute façon, tous les promoteurs font des habitations qui consomment très peu. Tous les logements seront chauffés avec un réseau de chaleur, avec une chaudière biomasse centrale, comme on fait d'ailleurs dans tous nos projets. Les premiers appartements pourraient être terminés à la mi-2017, espère le promoteur. Les maisons seront, elles, bâties au fur et à mesure des demandes. Les travaux ont repris sur la Nationale 62 entre Spa et Theux. Ils s'étaient interrompus pour les congés de la construction. Si la météo reste favorable, ils devraient être terminés pour la rentrée de septembre. Il faut encore poser la dernière couche d'asphalte et installer l'éclairage. Sur l'autoroute E42, les travaux du Laborus sont terminés. À la sortie 8 à Spa, là, il y en a encore pour 3 semaines. Donc, encore plus ou moins un mois de patience pour les Spadois et les Teutois avant d'être libérés de la nasse routière dans laquelle ils sont enfermés depuis le mois de mai. On vous emmène à présent faire la foire, mais la foire des petits manèges et des petits carrousels, loin des grandes attractions spectaculaires. Ces manèges sont présents durant l'été dans de nombreux villages, pour des kermesses locales. Ces rendez-vous sont moins nombreux et ne traînent pas toujours la grande foule. Pourtant, les forains continuent de s'y rendre, avant tout pour des raisons économiques. C'est le cas de Roger Kieselstein. Il dirige depuis 46 ans le rallye enfantin. les fêtes de village deviennent de moins en moins rentables. Parce que les conditions financières ne sont pas les mêmes sur une grosse et sur une petite foire. Alors justement, qu'est-ce qui va faire que c'est moins rentable? C'est le nombre de jours d'ouverture sur une grande foire. Je viens de faire la foire de Namur, c'est 30 jours d'ouverture. Tandis que sur les petites fêtes, ben, c'est 3 à 4 jours. Et alors, chaque fois, il faut reprendre un raccordement électrique qui sont de plus en plus chers. Il y a beaucoup moins de monde sur les petites foires. Est-ce qu'elles restent fréquentées quand même? Elles restent fréquentées, mais ça diminue quand même, quoi. Il y a de moins en moins de demandes pour des présences sur des petites foires? Oui, un pic ballon ou quelque chose hors genre là ne fait plus ses frais, ils ne viennent plus, et alors la fête diminue de plus en plus, quoi. Il y a des petites fêtes, avant on était 10-15, et maintenant on se retrouve à 5-6. Qu'est-ce qui vous motive à les faire encore? On a tellement de frais qu'on est bien obligé de faire les petites comme les plus grosses, quoi. Donc il faut absolument qu'on trouve des fêtes pour essayer de rentabiliser le tout, quoi. Roger qui sera présent dès vendredi à la foire de Huy, c'était une rencontre signée Olivier Tunus. Allez, roulez jeunesse. Une nouvelle agence immobilière sociale vient de voir le jour. Son territoire, les communes germanophones d'Eupen, la Calamine, Raren et Lonsen, mais aussi la francophone Plombières. L'agence est un intermédiaire entre des propriétaires privés et des locataires à revenus modestes. Cette nouvelle AIS est baptisée Trilandum. Elle a été rendue possible grâce à un fonds privé géré par la Fondation Roi Baudouin, le fonds Roswick-Kötjens. Les explications de Jean-Paul Collette de la Fondation Roi Baudouin. Le fonds Roswick-Kötjens est un des 520 fonds environ créés au sein de la Fondation Roi Baudouin. C'est un des 4 fonds germanophones actuellement en activité. Et il a pour objectif d'aider des personnes vivant dans des conditions difficiles ou précaires, donc du social au sens large, et avec le logement en particulier. C'est un fonds qui vient de les priver. Voilà, c'est un couple, mais c'est la dame qui est décédée en dernier lieu, qui, par testament, a laissé à la fois un capital à la Fondation Roi Baudouin, un objectif, celui d'aider les personnes vivant dans des conditions précaires, dans le nord de la communauté germanophone, et quelques instructions. Et donc nous gérons, avec des experts indépendants, avec des représentants du fondateur, nous gérons ce fonds en essayant de lui donner une longue durée, et que nous utilisons ce fonds depuis certainement près de 20 ans, et que nous espérons encore pouvoir être actifs pendant au moins une même période. En sport, à Rio, aux Jeux Olympiques, David Goffin poursuit son parcours. Il s'aligne aujourd'hui au deuxième tour. Il sera opposé à l'Israélien Doudi Sela, classé aux alentours de la 60e place mondiale. Le match est prévu vers 18h. Tout de suite, le 8-9, Benjamin Maréchal et son invité, c'est Sandra Kim aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Si vous êtes Stéphane, c'est le RTBF Mobile Info. Et bien toujours cette remorque qui est sur le flanc à Louvrange sur le 411 entre Namur et Bruxelles. Ça ralentit pas mal en direction d'Anvers sur le 313 et on va tout de suite prendre la direction du Carrefour Léonard puisque vous êtes nombreux à être ralentis à l'approche de Louvrange où cette remorque se situe sur la voie de gauche et la voie centrale pour rejoindre Bruxelles. C'est une vingtaine de minutes supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre temps de parcours. Une zone de travaux entre Malines et Kontich sur le 19 entre Macquelon et Anvers. Un quart d'heure supplémentaire pour rejoindre Anvers et dans l'autre sens, eh bien un quart d'heure également pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers. Sur l'autoroute de la mer, pas mal de soucis ce matin. C'est le point noir, le point rouge de cette matinée entre Ostende et Grand Bigard. Il y avait tout d'abord un camion qui était en feu tôt ce matin, mais il est toujours sur la chaussée. Ça ralentit, c'est à Ouestrem-Saint-Denis. Et puis dans les travaux en direction de Bruxelles, eh bien un accident s'est produit et du coup, eh bien vous perdez 47 minutes pour rejoindre Grand Bigard depuis Ostende. Et pour aller à la mer, au littoral, c'est une demi-heure supplémentaire qu'il faut ajouter depuis Grand Bigard pour rejoindre le littoral sur le ring. Encore une fois des travaux entre Bercelles et Forêt. C'est une vingtaine de minutes supplémentaires. Ça, c'est en circulation intérieure du ring de la capitale. Et on ajoute une dizaine de minutes entre Grand Bigard et Zaventem. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Oui, la Belgique a encore, c'est la deuxième, obtenu une médaille aux Jeux de Rio. On rejoint David Bertrand dans un instant. Vivacité présente, lundi 15 août, le 50e marché 1900 de marchands Famène. Vieux métiers, artisanat, oiseaux, danse folklorique, cirque et théâtre de rue. Jeux anciens, marionnettes, démonstrations de matériels agricoles anciens. Plus de 35 animations de belle époque. Depuis 1967, la fête la plus populaire et la plus sympathique de l'année. Programme sur marche1900.be. De 8 à 9, le 8-9. Vous êtes peut-être au travail, mais les people sont en vacances, Julie. Et des tristes vacances pour Loana de Love Story 1. On aura l'occasion d'en parler. Par contre, Katy Perry, elle, elle se marre bien, vous allez voir. Donc c'était pas Love Story, mais Loft Story. C'est vrai, je dis Love. Mais elle a eu une Love Story tout dans à le fait, dans bien le jeu. Mais je sais pas ce qui se passe, les suçons, Love Story. C'était dans la piscine. Hey, oh. Voilà, vous verrez. C'est... Elle est d'humeur. Le tube de l'été, Julie, tout à l'heure. Alors si je vous dis, pour tous ceux qui sont dans la vibe, lève le bras. Le bras, c'est Yannick, ces soirées-là, dans les années 2000. Donc on en reparlera. C'est parfait. Et puis les moments rencontres de cette saison dans le 8-9, c'est Madame Kim, Sandra Kim, qui reviendra ce matin. Elle était venue juste avant l'Eurovision, qui d'autre qu'elle, pour faire des pronostics, ça va sans dire. Dans l'immédiat, 8h39, et nous allons à Rio rejoindre toute l'équipe des envoyés spéciaux du 8-9, David Bertrand. On va passer en revue ce qui s'est passé cette nuit. Mais il faut d'abord parler de cette médaille de bronze de Dirk Van Tickelt, parce que c'est un vrai événement. Oui, évidemment, bonjour à tous. À l'heure qu'il est, ici, je regarde ma montre, il est 3h38 au Brésil, et avec toutes les sollicitations auxquelles Dirk Van Tickelt a dû répondre, je ne doute pas qu'il est encore en train de faire la fête, et d'après mes statistiques, il doit être en train de commencer sa 17e Caipirinha au moins, et c'est le moins qu'on lui souhaite, évidemment. Lui qui a mérité inévitablement cette grande fête après ce bel exploit, cette médaille de bronze en moins de 73 kilos. Dirk Van Tickelt, c'est un vrai gain d'ailleurs. Il le reconnaît lui-même. Il dit qu'il fait la fête à fond. Il fait tout à fond, en fait, ce garçon. Il s'entraîne véritablement comme un lion. J'ai, pour ma part, déjà assisté à plusieurs de ses stages à l'étranger, et j'ai pu voir la volonté qu'il mettait dans chacun de ses entraînements, et quand le soir il peut décompresser aussi, je peux vous dire que ça déménage. Et donc aujourd'hui on imagine que Dirk Van Tickelt va bien s'amuser, et il a bien raison, évidemment. Je vous propose d'écouter un petit extrait sonore de sa descente du podium tout à l'heure, lorsqu'il est venu en zone de presse avec sa médaille. Il a répondu à la question de Mathieu Istas, qui lui a demandé ce qu'il allait justement faire de sa soirée. Ouais, je sais pas. J'ai soif. Ça, une petite pinch. Un petit. Avec mon coach, chaque combat je gagne. Je dis pour un bière, je vais gagner. Alors, c'est bon ici. Voilà Dirk Van Tickelt qui doit venir rencontrer la presse au calme dans quelques heures après cette médaille, après une très courte nuit de sommeil, on l'imagine, et on imagine aussi qu'il aura de tout petits yeux pour venir répondre aux questions des journalistes. David, un mot rapide de natation avant de parler du Usain Bolt. Natation, pas encore de médaille, mais une finale quand même pour Louis Cronen. Oui, Louis Cronen qui s'est qualifié pour la finale du 200 mètres papillon il y a quelques heures à peine. Ça s'est terminé en toute fin de soirée ici à Rio. Il a réalisé le 8e temps des demi-finales, ce qui lui permet donc de disputer la finale demain, avec à côté de lui, dans les couloirs à côté de lui, eh bien, des gens comme Chat Loklo, le Sud-Africain, ou encore Michael Phelps, qui a signé le 2e temps de ces demi-finales. Louis Cronen qui va probablement du coup renoncer au relais 4x200 mètres, avec plus que probablement, ça doit encore être confirmé, mais un forfait pour l'équipe belge du 4x200, vu que Louis Cronen va logiquement se consacrer à sa course en individuel. Et puis un nom, Usain Bolt. Première sortie d'Usain Bolt, c'était hier lors de la conférence de presse de son sponsor. Oui, c'est traditionnel pour lui, hein, quelques jours de montée sur la piste. Il réunit toujours la presse, toute la presse mondiale évidemment, qui se déplace pour voir la grande star de l'athlétisme de ces dernières années, Usain Bolt. Il y avait près de 350 journalistes de tous les médias du monde hier qui étaient là. Usain Bolt qui a confirmé qu'il prendrait sa retraite olympique après cet événement de Rio, vu que ce sont ses derniers Jeux. Il a confirmé aussi qu'il visait toujours bien le triplé sur 100, 200 et 4x100. Usain Bolt qui s'est aussi amusé à danser avec des danseuses de samba qui étaient là pour égayer un peu cet événement très populaire, évidemment, avec de très nombreux journalistes, comme je le disais. Usain Bolt qui a également répondu à quelques questions sur le dopage. Il a dit que tout ça était évidemment très regrettable, ce qui se passait dans le milieu du sport actuellement, qu'il avait conscience que son sport traversait une période très difficile et qu'il espérait le rendre plus positif et en tous les cas lui redorer un tant soit peu son image avant de s'en aller, de prendre donc sa retraite qui devrait arriver dans quelques mois. Usain Bolt qui montera sur la piste pour les séries du 100 mètres samedi, un moment évidemment très attendu par tout le milieu du sport. Merci David, et je vous recommande d'aller sur rtbf.be/sport pour voir les photos du Usain Bolt qui danse la samba. Vous avez vu comme il a le déhanché. Il est bon là. Hein. Ah, il est bon. Qu'il a ça dans le sang. Il est bien coaché, faut dire. Ah ben ça, madame à côté, vous irez voir l'image. Je ne sais pas qui vous avez regardé dans la vidéo, Pierre, madame ou Usain Bolt. Usain Bolt, bien évidemment. Bien évidemment. Ben, il a un petit mouvement de bassin, vous m'en direz des nouvelles. 8h43. AG Insurance, supporter de votre vie et du Team Belgium. Rio 2016. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbecue ce soir. Non, désolé, je peux pas. Bah tu fais quoi? Ben, je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de wow wow wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie à inviter à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face swap avec des inconnus parce que c'est drôle. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Vivacité présente, lundi 15 août, le 50e marché 1900 de Marchand Famène. Vieux métiers, artisanat, oiseaux, danse folklorique, cirque et théâtre de rue. Jeux anciens, marionnettes, démonstrations de matériels agricoles anciens. Plus de 35 animations de belle époque. Depuis 1967, la fête la plus populaire et la plus sympathique de l'année. Programme sur marche1900.be. Le 8-9. Les people en vacances, Julie Vanache, ça ne va pas pour Loana. Non, mesdames, messieurs, Loana, souvenez-vous, c'était Love Story 1, celle qu'on avait vue batifoler dans la piscine avec Jean-Édouard, est en deuil. Elle a laissé un message sur ses réseaux sociaux, je vous lis un extrait. « À toi qui as su me regarder avec tant d'amour, peu importe mon physique, mon état, tu as toujours été présente, tu vas me manquer. » À votre avis, elle parlait son de... chien. Qui, son miroir. Mais non, j'espère que c'est pas dramatique quand même, c'est un truc rigolo. Non, c'est Tammy, son chien de 14 ans, enfin sa chienne. Ah, c'est dramatique quand même. Nous a quitté, malheureusement, c'est dramatique. Hein. Elle a partagé 14 années de sa vie avec Loana. Bref, des vacances endeuillées du coup pour Loana, qui pourtant avait repris du poil de la bête, sans mauvais jeu de mots. Elle avait reperdu 31 kilos et remontait doucement la peau. T'as un petit Yorkshire, Tammy est un petit Yorkshire. Ouais. Mais 14 ans pour un chien, c'est bien, c'est la bonne moyenne. Ah, c'est pas mal. Ouais. Bah bon, elle les enchaîne. Alors voyons si c'est plus sympa. Pour Katy Perry à la plage. Oui, vous la connaissez, hein, Katy Perry, c'est l'interprète de gros hits comme Firework, Hot and Cold, etc. Je vous présente aussi son nouveau petit ami depuis le mois de mai, Orlando Bloom. Orlando Bloom qu'on a vu dans Pirates des Caraïbes, mais pas que, Le Seigneur des Anneaux, etc. Ils sont en Europe, chez nous, en Sardaigne, à la plage, et je peux vous dire qu'ils s'amusent plutôt pas mal. Ils sont très très amoureux, ça se bécote, ça fait des bisous partout. Et Orlando Bloom joue à Pouet Pouet Camion avec sa belle. Pouet Pouet Camion. Mais enfin, et c'est une photo, c'est un Il vérifie. Si, les deux sont toujours dans le bikini, si vous voyez ce que je veux dire. Ça plotte et ça plotte. Et drôle, Orlando Bloom apparemment aime bien se balader tout nu en Sardaigne, justement. Il a eu une amende de 1200 euros. Il faisait du paddle tout nu avec Katy Perry à ses côtés. Ouais. Et du coup, les images sont floutées, mais elles traînent partout sur le web aussi. 1200 euros pour avoir été tout nu sur une petite planche. Il l'a fait exprès, c'est pour le buzz, parce que sa femme est sur la planche en maillot. Il sait qu'il y a des paparazzis. Et quand on est fabriqué comme ça, on peut bien se promener tout nu. Mais elle aussi, alors, elle pourrait bien se promener tout nu. Et le bronzage, par contre, pas top. Elle est peut-être pudique. Il y a les marques du calcium, c'est sûr. Oui, il a la marque, mais elle est faible. Et il voulait l'enlever, voilà. Mais vous noterez que Sophie d'avant, elle était seins nus sur la plage, tandis que Katy Perry met un maillot. Très jolie poitrine. D'ailleurs, oui, je vous invite à regarder attentivement pour voir. Voilà, ben oui. Benjamin, je cherchais une excuse. Benjamin. Je cherchais une excuse. Ah, je la regarde droit dans les yeux. 8h46, Sandra Kim était venue à l'époque nous présenter son livre. Non, c'est dans les yeux, je dis. Et son livre s'appelle donc Si j'avais su. Madame Sandra Kim, bonjour. Salut Sandra. Bonjour. Vous êtes donc la femme qui a gagné l'Eurovision pour la Belgique. Je vous mets le refrain de Laura Tesoro et vous me donnez son classement car je sais que vous avez du flair. Refrain. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, pardon, je vous tutoie. Je suis un ami de Marc Wilbops. N'hésitez pas à me tutoyer. Moi, j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle a du peps comme la jeune fille. Je la connais un peu parce qu'on a déjà chanté ensemble, on a déjà fait plein de trucs, c'est-à-dire des photos, sessions photos et tout ça pour des magazines flamands. Et je trouve qu'elle a du potentiel. Elle est 19 ans, peps. Mais les dernières, ils l'ont placée. Mais les c'est mecs peut-être l'ont la meilleure place. 18e position. On va retenir la chanson. Pense, oui. Voilà. Oui, je pense. Maintenant, je peux me tromper. Madame mais... Kim, est-ce qu'il y a eu plaisir? Arrêtez de m'appeler comme ça, ça fait un peu tenancière de bordel de Tokyo. De Tokyo. Alors, Madame Sandra, Kim. Voici l'intro. Madame Sandra, c'est pas à Tokyo. Alors, hein. Non. Écoutez l'intro. Je dors avec des draps pourtant. Laura Tesoro et l'intro, c'est ça, écoutez. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Si, voilà. Alors, je vous demande si c'est un plagiat de ça. C'est Queen. Plagiat? Non, c'est pas du plagiat, c'est juste le même gimmick, mais bon, c'est pas les mêmes notes. C'est une réponse. Bon alors, le chapitre Eurovision, c'est fait. Maintenant, plongeons dans ce bouquin qui s'appelle Sandra Kim, si j'avais su, où vous racontez un peu de votre vie, un peu de votre parcours après l'Eurovision. D'abord, le truc incroyable, il y a plein de trucs incroyables, mais page 82, il y a une photo de vous avec Chuck Norris. Qu'est-ce que vous faites avec Chuck Norris? Écoutez, moi, je ne le connaissais pas du tout. On était en train de tourner un clip avec la RTB en 1987. C'était sur la plage de Malibu, hein. On peut pas s'en plaindre. Là, il y a pire comme endroit. Et on a rencontré Chuck Norris qui était en train de tourner les premiers épisodes de Texas Walker Rangers, je sais pas quoi. Et toute l'équipe a dit oh, mais c'est Chuck Norris. Moi, j'ai dit qui c'est ça? Je ne connaissais pas. Hein. Donc, j'ai fait une photo et voilà. Et vous avez quel âge sur la photo? Là, j'ai 15 ans. Et c'est marrant de voir Chuck Norris. J'ai 15 ans. On n'a pas osé vous lâcher. J'avais vraiment 15 ans sur cette photo. N'oubliez pas qu'Annie Cordy vous a engueulé. Hein. Donc, quand vous lui dites moi, j'en ai marre de chanter cette vieille chanson, ça me pompe, elle vous engueule. Elle m'a engueulée, oui, effectivement. Elle m'a dit tu dois être fière justement de cette chanson-là parce que c'est comme ça que tu t'es fait connaître par le public. Et même si elle ne te plaît pas, il va falloir que tu la chantes jusqu'à la fin de ta vie, comme moi je chante Tata Yo-Yo et Chaud Cacao. Le problème, c'est que ça lui plaît, Tata Yo-Yo. Chaud Cacao. On peut faire deux secondes sérieusement sur ce moment difficile parce qu'on comprend que votre carrière a eu des hauts débats. Non, mais c'est incroyable de découvrir ça. Donc, dans le début des années 90, d'abord, vous vous séparez, vous êtes la première séparée de la famille dans une famille italienne, c'est le premier drame. Oui. Et puis après, il y a ce moment en 96, vous allez louer un petit deux pièces à Wavre, le frigo est vide, vous n'avez plus un bal, c'est la galère totale. Oui, on a l'impression qu'à ce moment-là, vous êtes sur le point de mourir au sens moral du terme. Ben moi, ça ne dure pas très longtemps. Je peux être démoralisée pendant une ou deux journées, mais après, c'est dans mon caractère, je suis optimiste et je vais de l'avant. Et c'est vrai que cette journée était assez noire pour moi. Je pense que tout le monde dans sa vie a une journée comme ça où ça ne va pas trop, où on n'a plus envie de vivre, on n'aime plus la vie. Mais des moments comme ça, vous en avez eu beaucoup? Ou c'est juste cette période-là? Des moments comme ça, vous en avez eu beaucoup? C'est juste ce moment-là. Vraiment, parce que j'étais pas bien. C'est vrai que j'avais pas grand-chose dans mon frigo. J'habitais Gastuche. J'étais entre Wavre et Crédoisseau. Gastuche, oui. Je ne suis plus jamais retournée, malgré que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui habitent Gastuche. On va avoir du courrier. Mais je veux dire, voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'était un endroit. Je me sentais pas bien. J'aimais pas du tout mon appartement. J'étais séparée. Alors. Pas rencontrer ton dans la page 167. Je prends la page. On sort de Gastuche. On pénètre dans le clocher. Il y en a eu du monde à Gastuche, si tu vois ce que je veux dire. C'est vous qui dites ça. J'ai vécu mon côté libertin comme une thérapie. Mais pas à Gastuche. Non, mais donc ça veut dire quoi? J'ai vécu mon côté libertin comme une thérapie. C'est-à-dire que je me suis bien amusée, tout simplement, comme tout le monde s'amuse quand on est célibataire. J'étais célibataire, je faisais ce que je voulais, j'ai beaucoup voyagé. Plus de 100, moins de 100. Non, je ne réponds pas à ça, ça ne vous regarde pas. Oh. Alors, plus de 300, ça moins de 300. Ça ne vous regarde pas, hein. C'est mon jardin secret. Et attends, si ça tombe, Pierre-Jean, vous avez déjà été à Gastuche, ou est-ce que je veux dire? On pense à la même chose. Plus ou moins, ça se trouve, Il a été à Gastuche. Bon, dans un instant, le tube de l'été, Yannick et Julie Compagnon. Dès 11h, Vivacité aura un air de vacances. Vivacité présente la Nuit des Étoiles à l'Eurospace Center ce 11 août. Retrouvez Cyril sur place dès 17h pour le 5 à 7. Venez observer le soleil, vous initiez à l'astronomie et restez jusqu'au soir pour vivre la magie des étoiles filantes, nombreuses à cette date. Ce 11 août, tous à l'Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24, pour la nuit des étoiles. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Événement gratuit. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez Vivre ici pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Vivacité et Tour des sites d'organisation présente 800 reflets, un show en 3D époustouflant qui vous plongera dans l'histoire mystique de l'abbaye du Val-Dieu. Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'abbaye pour un spectacle monumental haut en couleur et gratuit. Info tourdescites.be. Avec les fromages, les bières et le cidre de Val-Dieu, l'Avenir, Télépro, la Note Nationale et le CGT. Avec vous Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre est disponible pour 14,99€ par mois. Ce qui va fédérer pas mal de monde. Alors pour profiter de l'excellente compagnie de Vous Sport World, allez vite dans une boutique Vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Vous verrez, ils sont... Couture ! Si vous aimez le sport, vous devez avoir Vous Sport World. Offre soumise à condition. Le 8-9. Bon, on a eu les petites nouvelles de Loana, on a eu les petites nouvelles de Katy Perry et son monsieur qui met pas de maillot à la plage, comme Pierre Joie, visiblement. Mais comment vous savez ça? Et parce que je lis. Je lis le Ciné Télé Revue chaque semaine. Et vous allez où en vacances, Pierre? À Gastuche. À Gastuche. 8h54, dans les tubes de l'été, un incontournable. Oui. Et nous sommes le mardi 9 août. Et aujourd'hui, que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le bras. Voilà. Évidemment. Et dans ma discothèque, aujourd'hui, un tube qui fait danser le monde depuis 1975. Ça a commencé avec ceci en 75. Que tous ceux qui sont dans la vibe... Non. Non. Ça, c'est le vieux. Ça, c'était en 2000. Mais disons qu'en 75, il y avait ceci. Celle-là. Celle-là. Ah ouais! Alors, qui sont les interprètes de cette chanson? Tout à l'heure, les Four Seasons avec Oh What a Night, chanson ô combien festive, hein, qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, car elle est tombée dans celle de Clo-Clo, qui en a fait une réadaptation française seulement un an plus tard. Souvenez-vous de ceci. C'est quand Clo-Clo surfait sur la vague disco. Hein. Ouais. Exactement. Ouais. C'est quand Clo-Clo écoutait les Amériques et qui pompait deux, trois trucs quand même. Et j'ai quand même une question pour vous. En quelle année le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes? Ah, il le dit dans la chanson. C'était l'année 62. Ouais. C'est bien. Bien joué. C'est bien. Oui. Exactement. Ouais. Alors les années passent, hein, et c'est en 2000 que la musique connaîtra cette petite révolution. Alors c'est un savant mix entre la version originale et des saveurs urbaines sur fond de disco bras en l'air. Alors, ce qui est heureux là-dedans, c'est de se dire que cette chanson de Yannick est partie d'un pari, mais je vous propose d'abord de se remémorer de cette chanson. Ça s'appelle « Ces soirées-là ». Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que ceux qui sont assis se lèvent, suis le pas. Allez, maintenant, on y va. Allez. Ces soirées-là, avant même qu'elles se commencent. On est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas. Après 22h, je la connais pas. Il y a plus de style que Travolta. Bah, cette heure-ci, je suis gêné. Ouais. Pourquoi? Il faut le faire. Bah, après 22h, je la connais pas. Et en fait, en réécoutant, c'est pas lève le bras, c'est lève le doigt. Que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le doigt. Enfin bon, donc c'était un pari entre amis. Ils voulaient faire un succès et c'était plutôt bien tapé, hein, parce que le single Ces soirées-là de Yannick fait partie des meilleures ventes de singles français de tous les temps, avec 1,5 million de singles vendus. Donc c'est quand même pas rien. Alors aujourd'hui, Yannick, qu'est-il devenu? Eh bien, figurez-vous qu'il peine à faire un retour un petit peu remarqué. Mais par contre, il a confié d'ailleurs à Charts in France qu'il avait toujours autant de plaisir à chanter son tube dans les soirées de gala, dans les plateaux télé. Donc voilà. Il a fait que ce tube-là. Il a c'est fait que un ça. Homme heureux. Ouais. Bon, il en a fait. Ce sont les héritiers de Claude François qui touchent, ou des Four Seasons également, non? Ah, ben ça, c'est les auteurs-compositeurs de la chanson. Donc à mon avis, ça doit aller plutôt des côtés du côté des Four Seasons. Ouais. Après, au niveau des textes, bah, Claude François a réadapté son texte, il l'a écrit lui-même. Et là, pour Yannick, il a aussi écrit le texte. Mais c'est vrai qu'au niveau de la musique, c'est les auteurs, compositeurs à la base qui reçoivent l'argent. Donc vous l'avez dans l'oreille. Donc il y a la version de Yannick, il y a la version de Clo-Clo, il y a celle des Four Seasons aussi. Elle est un peu plus désuète. Laquelle vous préférez, Julie? Oh, forcément. Ouais, c'est un des premiers tubes disco, non, je pense. Ouais. En plus, désuète. Ouais. C'est le début du disco, ça. Mais c'est génial, les Four Seasons, c'est pas du tout désuet. Non, mais à côté du rythme de Claude François qui l'a accéléré un peu. Mais non, mais Clo-Clo, c'était pour faire le mix avec ses Claudettes et tout ça. Et franchement, la chanson de Clo-Clo est vraiment bien. Attends, André qui réalise, tu as le Clo-Clo sous la main ou pas? Il l'a un peu accéléré, rendu plus festive. Oui, mais c'est parce que ça allait mieux sans doute avec le texte en français. Mais cessez de le défendre, enfin. Mais je ne le défends pas, mais vous attaquez Claude François. C'est la Four Seasons que vous gardez. Ouais, je pense, l'original. L'original. Oui. Moi, je garde le Clo-Clo. Ah ben moi, je mets en un Clo-Clo, Yannick, je sais pas. Même vous, Julie, vous gardez le Four Seasons. Ah, je suis anglophile à mort, donc oui, Four Seasons d'abord. Ah, ouais, mais c'est, là, quand même c'est la seule qui comprend le texte. Oui, mais alors, vous ne retenez rien de David Guetta, puisqu'il ne fait que reprendre des trucs des anciens. Qu'est-ce qu'il a repris? C'est qui, David Guetta? Mais le... Qui est cet homme? C'est le mari de Cathy Guetta, c'est ça? Non, c'est l'ex-mari. L'ex-mari. Celui qui est dans les dancing et qui passe les plaques, là, au fond du trou. Ah, Tomorrowland. Oui. C'est ça. Bon, c'était le bon dans le temps de ce matin. Bonne journée, messieurs, dames. Votre partenaire pour l'été, Solaire Mini Format Premier Soin. Tout est chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Faire la météo de Jules Smet ou de Nicolas Xavier Ladouze. Ah, écoutez, l'original était très très bien. Ah oui, c'est bon, autre chose, c'est autre chose. C'était autre chose, mon monsieur, à l'époque. On n'avait pas toutes ces averses qui déferlent sur la Belgique. On en a une pour l'instant sur la région de Spa, la seule qui est présente sur la Belgique. Par contre, elles vont se multiplier cet après-midi sur le nord et l'est du territoire. Ailleurs, on va conserver davantage d'éclaircies. Elles seront plus larges, plus on ira vers le littoral ou encore la frontière française. Côté température, c'est la fraîcheur qui prédomine avec des maxima qui afficheront seulement 15 à 16 degrés sur les reliefs de l'Ardenne, 17 degrés à la mer, 18 à 19 degrés en général sur les autres régions, 20 degrés en Campine, le tout sous un vent bien présent de nord-ouest. Et la grande évasion après les infos de 9h. Vivacité présente la nuit des étoiles à l'Eurospace Center ce 11 août. Retrouvez Cyril sur place dès 17h pour le 5 à 7. Venez observer le soleil, vous initier à l'astronomie et restez jusqu'au soir pour vivre la magie des étoiles filantes, nombreuses à cette date. Ce 11 août, tous à l'Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24, pour la nuit des étoiles. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Événement gratuit. Très bon mardi, vous écoutez Vivacité, il est 9h. 9h, l'heure du journal avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et de deux, deuxième médaille pour la Belgique aux Jeux Olympiques de Rio. Oui, une médaille de bronze pour Dick Van Tickelt en judo dans la catégorie moins de 73 kilos. Celui que l'on surnomme l'ours dans son village de Brecht avait déjà remporté le bronze au championnat du monde dans cette même ville de Rio, une ville qui lui porte donc chance. Oui, c'est fantastique. Encore une fois en Rio, ça c'est mon village, c'est super ici. J'ai combat juste avec mon cœur. Ma coach, il dit, vas-y et combat avec ton cœur. Et ouais, maintenant c'est complètement palmaré. Vous pensez à qui maintenant? Ma copine à la maison, elle n'est pas ici parce qu'avec le Zika, elle a un bébé. Aïe. C'est pour le janvier, maintenant c'est téléphoner là-bas. Vous allez faire quoi avec la médaille? Dans mon vitrine, avec le reste. La vitrine est pleine maintenant? Presque. Le judoka Dirk Van Tickelt au micro d'Éric Libois. Et toujours en judo, Joachim Botio tentera de faire aussi bien aujourd'hui en moins de 81 kilos. Tout à l'heure, Peters Timmers s'alignera sur 100 mètres nage libre. Il tentera de se qualifier pour la finale de l'épreuve reine prévue demain soir. En tennis, David Goffin affrontera l'Israélien Doudy Sella au deuxième tour. Match prévu vers 18h, heure belge. L'information aux Jeux Olympiques, c'est aussi ce premier contact hier entre la star jamaïcaine Usain Bolt et la presse. Tout a été très étudié pour faire de ce moment un moment déjà culte dans ces Jeux. La file à l'entrée, des centaines de journalistes et des dizaines de caméras braquées sur la scène. L'envers du décor avec Lise Burion. Please welcome Usain Bolt. Aussi attendu que détendu, Usain Bolt peut se permettre de demander un peu plus d'applaudissements pour son entrée. You guys have to clap louder than that. Like, what the hell is that? And here comes Usain Bolt. Au-delà du show, les journalistes ont aussi un job, poser des questions. Mais comment bien le faire devant une légende du sport et quasi le monde entier? Réponse de l'expérimenté reporter américain Lewis Johnson. Il travaille pour NBC. Il faut poser une question qui a du sens, qu'il va écouter, à laquelle il pourra répondre quelque chose. Je crois que souvent, les athlètes entendent encore et toujours les mêmes questions. Et c'est pour ça que parfois, ils n'y répondent pas vraiment. Et puis, vous devez poser votre question avec autorité. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Posez-la simplement. À Rio, il y en a un qui n'a pas hésité, un journaliste et humoriste norvégien, sans réelle question, mais avec beaucoup d'imagination. Bolt a bien rigolé, puis terminé tranquillement sa conférence de presse. Pas de déclaration inattendue, mais bien une petite samba entourée de danseuses locales. Le Jamaïcain dispute ses derniers jeux, mais son sens du